Naître malgré soi, bouffer, agiter sa queue, faire naître et mourir. La vie est un grand vide. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Un grand vide qui pourrait parfaitement se dérouler sans moi. Mais moi, je n'ai plus envie de jouer ce jeu. Non, je ne veux plus. Je veux vivre quelque chose de personnel, d'intense. Je ne veux plus être le dernier boulon interchangeable d'une énorme machine. Le jour de ma mort, je ne vais pas avoir l'impression d'avoir vécu les mêmes conneries que tous les millions de crétins qui s'entassent sur cette planète. En somme, ce que j'ai vécu, le dernier des trous du cul l'a vécu lui aussi. He gon' take keeping chief and just too long away. He see me in the evening. Wanna catch Ali's feeling. Let me be bah ouais. Bah ouais. Ok. Il me fatigue, votre fera, je roule un gros pif de canard. Je lis pas là, venir dans le kawa, je trouve de l'un. Speed en Star Wars, fais tourner dans ton domaine. Écoute nous, ouais, toute la semaine, on fait vibrer, ouais, toutes les scènes. Les cousins, c'est au carnage, on se fait fuser de la résoir. Parce qu'on est en bande, l'esprit grigé par mes remparts. Il faut que je remonte la pente, l'appétit vient en fumant. Cadavérique, que je suis blanc, répétitifs sont les mouvements. Appelés pour de la sconque à vendre. Regarde la haine qu'il y a dans nos bics, on a des toffs, on est des tox. Écoute la prod, elle est très forte. Ouais, je la sable tel qu'elle. À l'époque ouais, de l'école, les mauvaises cotes, les heures de colle. J'arrive en force avec mes potes pour un génocide. Ça joue les stars, vas-y kill black, faut les lascars. Mérite des tartes, ces bâtards, pop no style, ça c'est pas possible. On est néfaste, on est spécial, on lâche des faces qui te font mal. Ça blablate qu'on enchaîne pas, ça c'est des sottises. I ain't getting this nigga in the morning. He gon' take keeping chief and just too long. He see me in the evening. Wanna catch Ali's feeling. Well, let me be the first to get my eye. De faire de la zik toute ma vie, pas qu'une partie de ma life. Sans devenir has-been à la Francis Lalanne. Même si j'ai beaucoup de tiges, j'te dirais que j'suis pas mal. J'enchaîne les grosses pifs, regarde ma gueule de cadavre. Ici pas de baston entre cous, on met des bâtons dans les roues. Nous calmons ou à la gouze, on reste dans l'ombre de toutes ces bouses. Hey, t'es massé la smala, on te procure des volumes. Tu les écoutes et tu les kiffes et tu deviens fou de tous ces feats. C'est qui c'est loup, c'est qui c'est cheap. Hey, comme les monpo, ok bah ouais, on évolue, j'ai pas de forme ronde, j'suis fin comme une Fred McCain. J'suis pas venu sauver le monde à la fin comme John McClane. 2011, les vampires faisaient kiffer le meuf. Nos petits 11 qui déchirent faisaient vibrer les refs. J'ai des rimes qui vous blessent, des rimes qui vous pèsent. Désolé, j'suis mal poli, bah ouais, j'parle la bouche pleine. I ain't getting this nigga in the morning. He gon' take keeping chief and just too long. He see me in the evening. Wanna catch Ali's feeling. Well, let me be the first to get my eye. La vie n'a pas de goût, sans oser t'es pas le coup. Sans soleil j'm'éclate fou, pour sommer ce que t'écoutes c'est de la merde. Ouais j'm'éclate ta mort, j'suis déprimé, en train de basculer dans l'obscurité. Dark Vador, écoute l'ambiance, kiffe la prod américaine. Faut qu'on se détende, ouais serre-moi un whisky sec. On forge notre confiance, on laisse les petites pipelèches. On marche dans le bon sens, on fait notre bise en scred. Bla bla bla bla bla bla bla, ouais ça parle sur nous. On est là là là là là, et on fuck ton monde. Un peu de patience avant qu'on perce les mailles du filet. On kick au maille, c'est stylé. On veut des têtes de billets. Mets-moi un sale beat. Eh, j'suis parti ma caille. J'aimerais voyager dans le temps, réparer les erreurs d'avant, m'amuser sur des skates volants. Marty McFly, F.L. Mackerel. Ouais, tu kiffes, sale chienne. Devant le mic, j'm'entraîne. J'ai pas tant à perdre. J'ai des cocards, de la fatigue, je sniffe pas de la farine. J'suis ce gars très sympathique, efficace. Ouais, pour les rimes.